Le président syrien Bachar al-Assad a fait parvenir le 18 courant le message de réponse au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Le destinataire a formulé de la reconnaissance à Kim Jong-un pour la félicitation chaleureuse à l'occasion de la journée de l'indépendance, fête nationale de Syrie, et a souhaité sincèrement santé et bonheur aux dirigeants suprêmes et plus grand progrès et développement au peuple coréen ami. Il a apprécié hautement le soutien du camarade Kim Jong-un à la position de Syrie pour régler la crise actuelle par voie pacifique basée sur le dialogue national, comme la sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays et de l'intérêt du peuple, et la réalisation de la sécurité et de la paix régionale.